Bye. dis à Anne et François. Pascal, il n'a pas entendu et Anne et François, ils l'ont entendu. Voilà, c'est ça. Thank you. Monique. Monique. Ouais, Monique. C'est la dernière. Yeah. Pascal, Christian, Gilbert. Ouais, non, mais moi aussi. Oh, et toi aussi, voilà.